الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة إلا وأهلها في النار. أعاذني الله وإياكم من النار ومن أحوالها وأحوال أهلها، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، معاشر الأحباب، إنني أسأل الله الذي لا إله إلا هو، الذي جمعنا في هذه الأمسية وفي هذا المكان المبارك الطيب ومع هذه الوجوه النيرة الطيبة، أسأله أن يجمعنا عنده في الفردوس الأعلى، وأسأله كذلك أن يجمعنا على حوض رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى نشرب منه شربة هنيئة مريئة فلا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. واللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تقمع ولا تشمت فينا الأعداء أو الحاسدين. ونسألك اللهم من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. أما بعد، لقاؤنا معكم أيها الأحباب في هذه الأمسية يكون حول موعظة بليغة وعظنا إياها رب العالمين. وقبل أن نشرع في هذه الموعظة، يجب على المسلم أن يحمد الله عز وجل على نعمه العظيمة الجليلة، ونعم الله عز وجل لا تحصى. ومن أعظم النعم علينا نحن العباد القرآن الذي بين أيدينا، قرآن ربنا، كلام ربنا، صفة من صفات الله عز وجل. الله عز وجل في القرآن الكريم قنن قوانين لجميع الناس من الجن والإنس، ووعظهم وأمرهم وبشرهم وتوعدهم. فالقرآن الكريم نعمة عظيمة علينا، لأن القرآن الكريم به تحيا القلوب. فالقلب القاسي إذا ذكر الله عز وجل لان، فيصبح هذا القلب بعدما كان في قسوة يصبح لينا. Mes serviteurs d'Allah, notre assise dans cet après-midi, elle va tourner sur un rappel qui se trouve dans le Coran al-Karim. Et avant de parler sur ce rappel, c'est de notre devoir, nous les croyants et les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, de remercier Allah Azza wa Jal de ses bienfaits qu'il nous a donnés. Et parmi les grands bienfaits, la parole d'Allah. Le Coran al-Karim, l'un des attributs d'Allah Azza wa Jal. Dans le Coran al-Karim, il y a la loi des hommes sur terre et la loi des djinns aussi sur terre. Dans le Coran al-Karim, il y a des rappels. Dans le Coran al-Karim, il y a des ordres. Dans le Coran Karim, il y a des interdits. Dans le Coran Karim, il y a le halal et le haram. Dans le Coran Karim, il y a la loi des hommes. Et c'est pour ça on doit être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, qui nous a orientés, qui nous a guidés de suivre sa parole. Il se trouve dans le Coran al-Karim. ومن بين هذه المواعظ موعظة آية من آيات الله عز وجل أنزلها رب العالمين على نبي الرحمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فما بقي إلا أياما وتوفاه الله عز وجل. إنك ميت وإنهم ميتون. Ce verset coranique, il a été révélé sur notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la fin de sa vie. On a révélé sur lui cette recommandation. On a révélé sur lui ce commandement, ce testament. Et puis des jours seulement après, le prophète alayhi salatu wa sallam est parti chez Allah azza wa jal. Il est mort, le prophète alayhi salatu wa sallam. هذه الآية موجودة في الزهراء الأولى سورة البقرة، وجاءت بعد 280 آية، الآية 81 بعد 100، وعظ الله عز وجل فيها العباد فقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عظة وموعظة بليغة جليلة تذكرنا بأشياء عدة، تذكرنا بحالنا وحال دنيانا وحال أخرانا. Ce verset coranique, il est venu, il a été révélé sur le prophète alayhi salatu wa salam. Il se trouve, comme il a appelé le prophète alayhi salatu wa salam, cette sourate, la fleur, une fleur. Ce verset coranique, il est venu après 280 versets. C'est le verset 281. Et ce verset, Allah Azza wa Jal l'a révélé sur le prophète. Et c'est le dernier verset coranique qui a été révélé sur le prophète, alayhi salatu wa salam. Même s'il y a une petite divergence entre les savants, mais c'est l'avis le plus fort. Ce verset coranique, il se trouve dans Surat Tabash. Dans les derniers versets coraniques, dans Surat Tabash. Où Allah Azza wa Jal dit à ce propos, dans le sens rapproché de ce verset, et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle a, qu'elle aura acquis. Et ils ne seront point laissés. C'est ça le verset coranique qui a été révélé sur le prophète alayhi salatu wa sallam, et c'est le dernier verset coranique. Il y a des rappels dans ce verset coranique où il nous montre, ce verset coranique, notre cas, nous les hommes sur terre, le cas de ce bas monde et le cas de l'au-delà. بهذه الآية يتذكر الإنسان حاله قبل أن يفارق هذه الدنيا. واتقوا يوما، يعني افعلوا الخيرات وافعلوا ما أمركم الله عز وجل وأطيعوه، فإذا خرجتم من هذه الدنيا سلمتم وغنمتم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. Ce verset coranique, c'est un rappel pour nous qu'on va sortir de ce bas monde, on va mourir. Craignez Allah Azza wa Jal et craignez le jour où vous serez ramenés. Vers qui? Vers le Tout-Puissant. Dans cette ayah, يذكرنا رب العالمين أن هذه الدنيا متاع ومتاع قليل. فالفائز من عبد الله عز وجل حق العبادة ولقيه وهو عليه راض، فهذا هو الفائز. Ce verset coranique ne montre que ce bas monde, il va disparaître. Il n'a aucune valeur chez Allah Azza wa Jal. Et celui qui a adoré Allah Azza wa Jal, comme Allah Azza wa Jal lui a ordonné, il sera parmi les gagnants le jour de la résurrection. Et Allah, le Tout-Puissant, sera satisfait de lui. وَتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ خَلَقَ فَأَمَرَ فَقَالَ وَمَا أَمَرْتُ فَقَالَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Azza wa Jal a créé l'homme ainsi que les djinns pour l'adorer. Allah Azza wa Jal ذَكَّرَ عِبَادَهُ عَنْ طَلِقِ هَذَا الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. Allah Azza wa Jal a rappelé à ses serviteurs dans le Coran Karim qu'est-ce qu'ils devraient faire. Al-mu'minu mahma kan sawfa yakhruju min hadhihi ad-dunya. Le croyant, quel que soit son degré dans ce bas monde, il va sortir de ce bas monde. N'est-ce pas le père des hommes, Adam alayhi salam est mort. Alayhi Adam alayhi salam mat. Bal khayru al-anbiya'i wa al-rusul. Muhammad alayhi salatu wa salam tawafahu Allah. Bal hatta Muhammad alayhi salatu wa salam ikhtara al-rafiq al-a'la. Prophet alayhi salatu wa salam a choisi d'être avec Allah azza wa jalla. Lui-même est mort alayhi salatu wa salam. فالموت أيها الناس آت آت وأجلنا مكتوب مسطر. La mort elle va venir, chers serviteurs d'Allah. Et Allah Azza wa Jalla prescrit sur tout le monde qu'on va mourir et on va rencontrer Allah Azza wa Jalla. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Quand leur mort elle se rapproche, et le jour où le messager d'Allah, qui est l'ange de la mort, il va venir, il ne va pas venir ni en retard, ni en avance. Il va venir pour prendre les âmes de tout le monde. فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ نَبِيٍ وَغَيْرِ نَبِيٍ. Il ne va pas faire la différence entre un croyant, un prophète ou un non-prophète. لا يفرق بين الكبير والصغير. لا يفرق بين الشيخ والشيخة والعجوز والعجوزة وكذلك الشاب والطفل بل حتى الرضيع بل حتى الجنين. فيأتي بأمر من الله عز وجل فيأخذ الأرواح كما أمره بذلك رب الأرواح. الانج de la mort, quand il va venir, il va pas faire la différence entre une personne âgée ou moins âgée, un jeune ou un enfant, ou même un bébé, ou même un fœtus. Car Allah Azza wa Jal, le Seigneur des âmes, il a ordonné de prendre ces âmes. Il va le faire. يأتي زمان وسوف يفارق العبد أبناءه ويفارق جميع الناس ويفارق زوجته ويفارق أمه وأباه ويفارق كذلك أخاه وأخته. Il viendra un jour où tout le monde, où la personne va se séparer, il va se séparer de ses proches, de ses parents, de ses enfants, de ses frères et sœurs, oncles et tantes, amis et voisins. Il viendra un jour où notre regard, il va baisser. Il viendra un jour, on va plus voir nos proches, on va mourir. فيأتي ملك الموت فيا بشرى من بشره بهذه البشرى العظيمة حيث يقول له يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء المؤمنين. بشرى عظيمة والله. اخرجي أيتها الروح إلى روح وريحان إلى جنات إلى مرضات الله عز وجل فيا سعادة من كان هذا هو شأنه. Il viendra un jour où l'ange de la mort, où il va venir, il va t'annoncer la bonne nouvelle. Car sachez, chers serviteurs d'Allah, que la mort, elle sera une bonne nouvelle pour les croyants, c'est pas un malheur. Certes, c'est un malheur pour ses proches, mais c'est une bonne nouvelle pour lui. Il va voir qu'est-ce que la personne qui va rester dans ce bas monde, il va voir des choses. Il va voir les bienfaits d'Allah. Il va voir les ni'am d'Allah. Il va voir la rahma d'Allah, l'ange de la mort. Il va venir lui-même avec un visage lumineux, en rapportant avec lui des bonnes nouvelles. Où il va te dire, oh toi croyant, demande Allah Azza wa Jalla qu'on sera parmi ses croyants. Oh toi âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre donc mon paradis. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Voyez à chaque fois, من جاء إليه ملك الموت ويقول له اخرجي أيتها الروح الخبيثة. Quel malheur pour cette personne où l'ange de la mort va venir avec un visage qui ne rapporte pas des bonnes nouvelles. Et il va venir, il va lui dire à cette personne, à cet associateur, à ce mécréant, à ce criminel, Ô âme mauvaise, sors à la colère d'Allah Azza wa Jalla, qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. De là, ce n'est pas fini. لأن بعد الموت أيها الناس قبر ظلمة القبر وما أدراك ما ظلمة القبر فإن القبر إنما يكون نعيم أو جحيم فيه عذاب وفيه نعيم كذلك فالمنعم من ثبته الله عز وجل على وجه الأرض عاش قام وركع وسجد لله عز وجل عابد لله عز وجل فإن هذا العبد سعيد سوف يثبته الله عز وجل عند الموت ويثبته كذلك بعد الموت. Et sachez très bien que la personne qui a vécu dans ce bas monde en se mettant debout, en s'inclinant et aussi en se prosternant à Allah Azza wa Jal, il sera parmi les gagnants. Car Allah Azza wa Jal va lui donner l'appui le moment où il est en train d'agoniser. Et Allah Azza wa Jal aussi va lui donner l'appui le jour où les anges vont venir pour lui poser des questions. فلما يكون في القبر هذا المؤمن فلا تصيبه الوحشة أتيه ملكان فيجلسانه فيقولان لك من ربك ما دينك من نبيك يقول ربي الله وديني الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. Ce croyant, ces anges, ils vont venir avec un visage lumineux, apportant des bonnes nouvelles. Donc il sera apaisé dans sa tombe. C'est qui ton Seigneur? Avec cœur apaisé, il va répondre, il va dire, mon Seigneur, c'est Allah. C'est quoi ta religion avec le cœur apaisé? Il va dire, ma religion, c'est l'islam. C'est qui ton prophète? Il va dire, mon prophète, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fayubashirani bi rouhin wa rayhan wa jannatin مقيمة دائمة ودار الخلود فيقول رب أقم الساعة رب أقم الساعة رب أقم الساعة. هذا ملخص حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. On va lui annoncer la bonne nouvelle qui est le paradis d'Allah Azza wa Jal. Et là, il va demander à Allah Azza wa Jal avec motivation. Il demande à Allah Azza wa Jal que l'heure dernière Oh Allah, Azza wa Jal fait que leur dernier va venir. C'est ça l'état de croyant du croyant. En résumant le hadith du prophète alayhi salatu wa salam. وأما المشرك والكافر والفاجر والفاسق والعياذ بالله يأتيانه ملكان وقبل هذا عند الموت تخرج روحه نتنة فلا يقبلها ملائكة الرحمن ثم تؤمر في بأن توضع في سجين يا عياذا بالله وهو في قبره يأتيانه ملكان ولا ووجوههما لا يبشران بالخير من ربك ما دينك من نبيك فيقول ها ها لا أدري وقد عاش على وجه الأرض وهو يسمع برب العالمين وشهد عليه المسلمون وأشهد على نفسه المسلمين فلا يستطيع أن يقول أنه لا يعرف ربه ولا يعرف دينه ولا يعرف نبيه لأن الحجة قامت عليه على وجه الأرض فكل عند كل سؤال يسأل فلا يجيب يضرب بمقمعة من حديث على قفاه من حديد على قفاه فيصرخ صرخة يسمعها كل شيء إلا الثقلين نعني بهذا الجن والإنس ثم يبشر بالنار في قبره والعياذ بالله وتمر عليه هذه الحياة عذاب أليم شديد والله المستعان. Le cas des mécréants, des associateurs et des criminels et des pervers. Leur cas avant la mort, que des mauvaises nouvelles. Leur âme, elle est sortie, elle a dégagé une mauvaise odeur. Les anges d'Allah Azza wa Jal ne vont pas l'accepter. Les sept ciels ils se sont ouverts pour les croyants. Et pour lui, le premier ciel ne va pas s'ouvrir. Il est dans sa tombe. On lui pose les trois questions. Alors que dans ce bas monde, il connaissait Allah. Il connaissait l'islam. Il connaissait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le malheureux, il ne s'est pas soumis à Allah azza wa jal. Il ne s'est pas soumis à Allah azza wa jal en disant la ilaha illallah, Mohammedun Rasulullah, et en pratiquant la religion de l'islam. Il a renié tout ça. Ici, à chaque fois quand on va lui poser la question, il ne va pas répondre. Il va avoir un coup de avec une barre de fer derrière sa nuque, il va lancer un cri. Le prophète alayhi salat wa salam a dit, tout le monde va écouter le cri de cette personne, sauf les ins et les djinns, les hommes et les djinns. Et puis il va avoir un châtiment qui est très, très douloureux qu'Allah nous préserve. Fas'aluna ayyuha an-nas. هل هذه الأمة معذبة في قبرها أم لا؟ La question aussi, est-ce que cette nation, elle sera châtiée dans la tombe? Oui ou non? Le prophète عليه الصلاة والسلام أفتى بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام أفتى بهذا وقال نعم إن هذه الأمة لتعذب في قبرها والعياذ بالله. Le prophète il a fait la fatwa. Il a dit oui, cette nation elle sera châtiée dans sa tombe. Mais lesquelles? Le prophète alayhi salatu wa salam nous a désigné deux personnes. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأما أحدهما فكان يسعى بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit quand il est passé dans un cimetière, il est rentré dans le cimetière. Il s'est arrêté dans deux tombes, deux hommes. Le prophète, alayhi salatu wa salam, voyait et entendait ce qui se passait dans les tombes. Et il a dit, ces deux jeunes, on est en train de les châtiller. Certes, leur châtiment pour nous, ou la cause de leur châtiment, pour nous c'est rien. Mais en réalité, qui Allah Azza wa Jalla est immense. Mais l'un des deux, qu'est-ce qu'il faisait? C'était une personne qui faisait un namim à la calomnie. Et la deuxième personne, il faisait quoi? Il ne va pas se laver ni se purifier quand il va faire ses besoins. Et dans un autre récit, le prophète alayhi salat wa salam, il dit, il faisait ses besoins devant les gens. Donc il ne va pas s'abriter ou se cacher pour qu'il puisse faire ses besoins. Certes, chez les gens, peut-être ça c'est rien, c'est minime, ils vont minimiser la chose. Mais chez Allah, Azza wa Jal, c'est immense. Et ça sera la cause du châtiment de la tombe qu'Allah nous préserve. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله لأن بعد الموت كذلك نشور ورجوع إلى الله عز وجل. Et on ne va pas s'arrêter là, car l'homme il va goûter à la mort. Il a vécu dans ce monde pour une tâche précise, adorer Allah عز وجل. Il a goûté à la mort seulement. Car la mort, c'est un passage pour ce bas monde. C'est comme un pont. La personne, il va passer ce pont. Il ne va pas rester éternellement dans ce pont. Et donc, la tombe, c'est un pont. C'est un passage. Ce bas monde, c'est un passage. Et la tombe aussi, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin, la tombe. Tout le monde va être ressuscité vers Allah Azza wa Jal. كل منا سوف يحشر ويعرض على الله وينشر ويبعث يوم القيامة. Tout le monde, sans exception, لما تقوم القيامة وتنتهي الدنيا يقوم الأشهاد إلى رب العالمين إلى يوم وعدنا الله عز وجل فيه بدارين أبديين أبد الآبدين جنة رب العالمين ألا وهي دار القرار خلود فلا موت والدار الثانية هي النار جهنم لظى سقر والعياذ بالله خلود فلا موت فلا ثالث لهؤلاء الدارين ففريق في الجنة وفريق في السعير. Le jour de la résurrection, où Allah Azza wa Jal va ressusciter tout le monde. Ce bas monde, il va disparaître. L'heure dernière, elle va venir. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أَيْ أَنَا الْمَلِكِ أَيْنَ الْمُلُوكِ. Le jour où tout le monde va disparaître, il n'y aura personne. Il n'y aura qu'Allah Azza wa Jal. Il va dire, c'est moi le roi. Ils sont où les rois? Tout le monde va ressusciter. Du premier homme, Adam alayhi salam, jusqu'au dernier. Parce qu'Allah Azza wa Jal est juste. Parce qu'Allah Azza wa Jal va juger tout le monde. Et là, on sera devant et on passe Allah Azza wa Jal. Et là, chers serviteurs d'Allah, Allah Azza wa Jal a créé deux demeures éternelles. Le paradis d'Allah Azza wa Jal sera pour les croyants. On demande à Allah Azza wa Jal qu'on sera parmi eux. Le jour où Allah Azza wa Jal va ordonner de sacrifier la mort. Et puis, l'ange il va dire, « Oh vous qui demeurez le paradis d'Allah Azza wa Jal, vivez éternellement. » Et la deuxième demeure qu'Allah nous préserve, elle sera aussi pour les associateurs, pour aussi les criminels et les mécréants. Les associateurs et les mécréants, خلود فلا موت, vivez éternellement sans fin, de demeure éternelle. C'est pour ça qu'on est en train d'adorer Allah Azza wa Jal. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. هذه الآية تحمل موعظتين. الموعظة الأولى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يعني في الدنيا. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. توفى كل نفس ما عملت، ما كسبت على وجه الأرض، ورب العالمين لا يظلم عنده أحد. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حلق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكته وامضوا بعبد عصى، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، والله المستعان. لأجل هذا الموقف يجب أن يعمل العاملون، لأجل هذا الموقف يجب أن يكسب المؤمن من الحسنات ما يكسب، ورب العالمين لا يظلم عنده أحد. فلينتبه المؤمن علنا نقع في معاصي كثيرة لا نشعر بها، نلقى الله عز وجل على هذا المنوال. وليعلم المؤمن على أن النبي عليه الصلاة والسلام، بل رب العالمين قال أنه من أمة النبي عليه الصلاة والسلام من يدخلون النار عياذا بالله، ولكن عقيدتنا أن الموحدون، أن الموحدين لا يخلدون في النار ولكن يدخلون النار عياذا بالله. نسأل الله عز وجل أن يتذكرنا برحمته في هذا الموقف العظيم الجليل. Sachez très bien qu'il viendra un jour bien nu, tenu en face d'Allah Azza wa Jalla, aucun intermédiaire. Qu'est-ce que tu as œuvré? Qu'est-ce que tu as œuvré? Qu'est-ce que tu as fait dans ce bas monde? On n'est pas en train de parler, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jalla, sur les gens où Allah Azza wa Jalla les a jugés dans ce bas monde déjà. En sortant de ce bas monde, ils sont morts en tant qu'associateurs, mécréants. Ils vont être jugés. On va parler de nos cas à nous, parce qu'on va être jugés en face d'Allah Azza wa Jalla. Et avec certitude, il y aura des gens de cette nation qui vont demeurer dans l'enfer, qu'Allah nous préserve. Les sahaba ont dit, il y a une vieille pieuse, elle fait la prière, elle sort de le monde, et elle jeûne et elle fait le pèlerinage, mais elle fait du mal à ses voisins. Le prophète lui a dit, elle sera dans l'enfer, qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve de cette langue où Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu a dit: والله الذي لا إله إلا هو، إن هذا اللسان يستحق طول سجن. Il a dit par Allah Azza wa Jal, cette langue, elle mérite l'emprisonnement. L'emprisonnement avec une longue durée. Abu Bakr يقول: هذا الذي أوردني الموالد، إن هذا الذي سوف يقودني إلى المهالك. Abu Bakr a parlé de cette langue. Il a dit, cette langue, elle va me périr. Elle va me guider vers le châtiment d'Allah, Azza wa Jalla, qu'Allah nous préserve. Alors que Abu Bakr al-Siddiq, c'est le véridique. Al-Siddiq, radiallahu ta'ala an. Inna Allah Azza wa Jalla ya'mur yawm al-qiyamati al-malaika bi'an yazujju ahl al-ahwa'i wal-bida'i wal-muhdathati fi al-nar. وهم كانوا يصلون معنا في المساجد ويخرجون الزكاة ويصومون شهر رمضان ويحجون البيت العتيق، ولكن أحدثوا في الدين ما لا يوجد في الدين، ولكنهم أيها الناس اتبعوا الأهواء والآراء، فقادتهم هذه الأهواء والآراء إلى جهنم، إلى السعير، إلى غضب، إلى سقر، والعياذ بالله. يؤتى بهم يوم القيامة ويعرفهم الرسول عليه الصلاة والسلام غرا محجلا، فيؤمر بهم فيزجون في النار ولا يمرون الصراط. والنبي عليه الصلاة والسلام يسقي قومه وأمته من حوضه، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، فيقول أمتي أمتي، فيجاب عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب الخطير: لا تعرف ماذا أحدث بعدك. فيفهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بشر وأنذر وحذر أمه من المحدثات ومن الضلالات ومن البدع، أحدث بعدي إذا سحقا سحقا سحقا، بحيث بمعنى بعدا بعدا بعدا، بالمؤمنين رؤوف رحيم، يقول هذا الكلام يوم القيامة. ولكن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل التوحيد يوم القيامة لا تفنى، ولن يرضى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يرضيه رب العالمين بإخراج أمته من جهنم. وهذا هو الشافع المشفع، رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les gens qui suivent leurs passions et les gens qui suivent, chers serviteurs d'Allah, leurs avis, ils n'ont pas choisi la soumission à Allah Azza wa Jal et aux ordres d'Allah Azza wa Jal. Ils ont choisi de se soumettre à leur raison, à leurs passions et leurs avis, à leur égarement. Ils se sont soumis aux nouveautés dans l'islam. Le jour du jugement, ils seront parmi les perdants. Parce que le prophète, alayhi salat wa salam, il est en train d'inviter sa nation à son bassin. Il se vante devant tout le monde. Le prophète, alayhi salat wa salam, le jour du jugement, parce que chaque prophète a un bassin. Et le bassin du prophète, alayhi salat wa salam, il sera rempli par ses suiveurs. Le prophète, il se réjouit, il se vante. Au moment même, il voit des personnes de sa nation, on est en train de les jeter dans l'enfer avant qu'ils fassent par le sirat. Le prophète, alayhi salat wa salam, celui qui est doux, il a la miséricorde vers les croyants. Il va dire: ma nation, ma nation, ma nation. On va lui répondre: oh Rasulallah, tu n'as pas connaissance de ce qu'ils ont fait derrière toi. Après toi, ils ont rapporté des nouveautés. Et le prophète, alayhi salat wa salam, sait qu'est-ce que ça veut dire, les nouveautés dans la religion. Parce que les nouveautés dans la religion, c'est l'égarement, c'est l'innovation. Parce qu'ils ont fait ça, le prophète va se désavouer d'eux. Il va dire: éloignez ces personnes de moi, éloignez ces personnes de moi, éloignez ces personnes de moi. Ça, c'est le prophète, alayhi salat wa salam. Mais Allah Azza wa Jal va lui laisser la porte pour intercéder pour toute personne qui a dit: la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, alors qu'il était sincère. Et la sincérité ici, les ulama l'ont expliqué, c'est pas le fait de la dire avec la parole seulement. Les actes, ils doivent suivre derrière. Les actes, ils doivent suivre derrière. Car le shaytan, il connaît Allah Azza wa Jal mieux que les hommes, mais il va périr dans l'enfer éternellement, qu'Allah le préserve. Pourquoi? Parce que Shaitan, il n'a pas adoré Allah Azza wa Jal. Il n'a pas suivi cette parole qui est la ilaha illallah avec la soumission totale à Allah Azza wa Jal. Contraire, on lui a ordonné de se prosterner à Allah Azza wa Jal et il a désobéi à Allah Azza wa Jal. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah, alors que chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis, ils ne seront point lésés. Ça, c'est la promesse d'Allah Azza wa Jalla. Bon, ce verset coranique, on a deux rappels, chers serviteurs d'Allah. Bon, le premier rappel, craignez Allah. Le deuxième rappel, alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce que tout ce qu'elle a fait dans ce monde. إذن من أجل أن يتقي المؤمن ربه ما الذي يتوجب عليه فعله أمور عدة يعرفها القاضي والداني Qu'est-ce qu'il devrait faire le croyant pour éviter que pour le jour du jugement, pour le jour du jugement, il sera parmi ses gagnants. Il sera dans le paradis d'Allah Azza wa Jalla, la vie éternelle. Il sera avec son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il doit éviter beaucoup de choses. Et dans cette assise qui est courte et très courte, on ne pourra jamais parler de ces choses. Ça demande de nous des assises et des assises. Et d'ailleurs plusieurs assises et plusieurs années pour qu'on puisse compter qu'Allah Azza wa Jalla les choses qu'on devrait éviter pour qu'on puisse rentrer dans le paradis d'Allah Azza wa Jalla. Les ulama ont écrit des ouvrages rien que pour ça. ومن الأمور التي يتوجب على المؤمن أن يتفاداها وأن لا يفعلها الكبر وما أدراك من الكبر الكبر في اللغة العظمة والتجبر كالكبرياء وقد تكبر واستكبر وتكابر والتكبر والاستكبار التعظم والكبر بالكسر اسم من التكبر وقال الزبيدي الكبر حالة يتخصص بها الإنسان من إعجاب نفسه وأن يرى نفسه أكبر من غيره. Parmi les choses qu'on devrait éviter, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, l'orgueil. L'orgueil, c'est le fait de rabaisser les gens et d'être satisfait de sa propre âme. Il se voit meilleur que les autres. Et Zubaydi, rahimahullah ta'ala, il a dit, Al-Kibr, l'orgueil, c'est un cas qui se trouve chez l'homme, l'homme qui est satisfait de sa propre âme. Comme titre exemple, Al-Shaytan. Comme titre exemple, les pharaons. Comme titre exemple, Fir'aoun de cette nation, le Fir'aoun de cette nation qui est Abu Jahl. فرعون هذه الأمة خرجوا بقرا ورعاء الناس avec orgueil et ostentation ils sont sortis pour combattre le haq à l'époque la bataille de Badr et de là Allah Azza wa Jalla interdit الكبر بل إن الكبر أيها الناس هو استعظام الإنسان نفسه واستحسان ما فيه من الفضائل والاستهانة بالناس واستصغارهم والترفع على من يجب التواضع لهم الكبر من أول الذنوب التي عصي الله بها التي عصي الله تبارك وتعالى بها قال الله عز وجل مبينا سبب امتناع إبليس عن السجود وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين أرأيتم أول ذنب عصي به الله عز وجل هذا لا يجب أن يكون فينا نحن البشر وخاصة نحن المؤمنين فمن تكبر طغى وتجبر فمن تكبر فليعلم أنه جاء بمعصية لعلها تخرجه من دائرة الإسلام فيكفر برب الإسلام إن إبليس كان عزيزا كريما عابدا مطيعا لله عز وجل فلما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام أمره بالسجود أبى واستكبر وحسد فالكبر هو رذيف الحسد فالمتكبر حاسد هذا مما لا شك فيه Et le premier, et le premier péché, et le premier péché qui a commis, qui a été commis avant ou le jour où Allah Azza wa Jalla a créé Adam, le premier péché c'était l'orgueil. L'orgueil. Iblis, Allah Azza wa Jalla, quand il a créé Adam avec ses propres mains, il a ordonné le malaïka, les anges d'Allah, de se prosterner à Adam. Il a ordonné de même Iblis, Satan, de le faire. Les anges d'Allah Azza wa Jal ont obéi à Allah Azza wa Jal, sauf Iblis. Iblis, c'est quoi qui a fait que il ne s'est pas prosterné à Allah? L'orgueil. Et l'orgueil est égal à la jalousie. Il était jaloux de Adam. Asjudu lima khalaqta biyadayk. Asjudu lima khalaqtahu min tin. Je vais me prosterner à une personne que tu as créée d'argile. L'orgueil. Alors que Iblis connaissait Allah Azza wa Jal. Il vivait chez Allah. Il vivait avec les anges. Il vivait dans le même paradis où Adam alayhi salam et Hawa étaient. Il a vu la puissance d'Allah. Il a vu le royaume d'Allah. Mais regardez l'orgueil, qu'est-ce qu'il fait? L'orgueil, il a créé la mécréance. Il a créé l'association. Et regardez Abu Jahl. Abu Jahl, le prophète alayhi salatu wa salam a dit au Allah Azza wa Jal, guide l'un des Umarain. Et lui, il était parmi ces deux personnes. Allah Azza wa Jal a choisi de guider Omar ibn Khattab. Abu Jahl, dans la nuit, il sortait en cachette. Pourquoi? Pour écouter la récitation du prophète alayhi salatu wa salam. Il savait que la vérité, elle était avec le prophète alayhi salatu wa salam. Mais le malheureux, il a été enveloppé, son cœur, il a été enveloppé de quoi? D'orgueil. Il a combattu le haq. Alors qu'il avait la certitude que la vérité, elle était avec le prophète alayhi salatu wa salam. Alors Allah Azza wa Jalla wa istayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. ليس ثمة هناك كافر على وجه الأرض إلا ويعلم أن الله عز وجل حق لأن كل منا يولد على الفطرة. Sachez très bien que chaque homme il a été créé sur la nature et la nature te guide à croire que Allah عز وجل est unique, il existe et c'est la vérité. Mais c'est qui fait que l'homme il s'éloigne de cette vérité? Plusieurs causes. Parmi ces causes, qu'Allah nous préserve, Al-Kibr. قال الطبري وهذا وإن كان من الله جل ثناؤه خبرا عن إبليس فإنه تقريع لضرباته من خلق الله عز وجل لضربائه من خلق الله عز وجل الذين يتكبرون عن الخضوع لله والانقياد لطاعته فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه والتسليم له فيما أوجب لبعضهم على بعض من الحق. L'homme, il a pris la même position que Iblis, qu'Allah nous préserve. Parmi les hommes, ils sont orgueilleux. Ils ne veulent pas se soumettre à Allah Azza wa Jal. Alors que la vraie liberté, elle se trouve dans la soumission à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal t'a créé. Allah Azza wa Jal t'a ordonné. Allah Azza wa Jal, tu vas être ressuscité vers lui. Donc toute personne, on a parlé tout à l'heure de la mort. Le jour où la personne va mourir, il va commencer à sortir de ce bas monde, il va croire que vraiment j'étais en tort. que vraiment j'étais mécréant. J'étais associateur, mais c'est trop tard. يقبل الله عز وجل توبة العبد ما لم يغرغر ما لم تخرج روحه فإذا بدأت بالخروج فلا توبة mais c'est trop tard ici. الله عز وجل accepte le repentir de son serviteur avant qu'il commence à agoniser. Mais quand il commence à agoniser, vraiment il est en train de voir les hommes, il est en train de voir la vérité, il va croire que ici c'est une vérité. Qu'est-ce qu'il a rapporté le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, mais ça sera trop tard pour lui. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. العائل يعني الفقير, العائل يعني الفقير. فإن الله عز وجل لا ينظر إلى المتكبر يوم القيامة. فإذا كانت هذه الصفة في عبد كائن من كان فليعلم أن الله عز وجل يوم القيامة وعده عن طريق نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لا يزكيه ولا ينظر إليه بل له عذاب أليم والعياذ بالله. D'après Abi Huraira رضي الله تعالى عنه, le prophète ici il parle de l'orgueil. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit à ce propos, il y a trois personnes à qui Allah ne va pas parler le jour du jugement et ne va pas les purifier. Il ne va pas les regarder. Ils auront un grand châtiment, un châtiment qui est très douloureux qu'Allah nous préserve. Un vieillard qui commet la fornication, un roi menteur et un pauvre orgueilleux. Quelle que soit cette personne, l'orgueilleux, le jour du jugement, Allah Azza wa Jal, ni il va parler avec lui le jour du jugement, ni il va le purifier, il va lui donner un châtiment qui est très douloureux et immense qu'Allah nous préserve. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى فهؤلاء الثلاثة اشتركوا في هذا الوعيد. ابن تيمية رحمه الله تعالى a dit que ces trois personnes, ils se sont associés dans cette promesse qui est douloureuse, cette promesse qui est le fait de les châtier qu'Allah nous préserve. Alors que c'est des gens faibles. Donc une personne qui est âgée, un vieillard, le fait de faire la fornication, c'est une personne déjà, il est faible. Et le jour où il va faire ça, donc, c'est une personne qui sera châtiée par Allah Azza wa Jal. وَكَذَلِكَ دَعِيَةُ الْكَذِبِ فِي الْمَلِكِ ضَعِيفًا لِسْتِغْنَاءِ عَنْهُ وَكَذَلِكَ دَعِيَةُ الْكِبْرِ فِي الْفَقِيرِ. Le roi, il n'a pas à mentir. Parce qu'il a, il est déjà puissant. D'accord? Il est déjà puissant, il n'a pas à mentir. Donc Allah Azza wa Jal, le jour du jugement, Son châtiment, il ne sera pas comme n'importe quel menteur. Même si c'est tous les menteurs, ils vont être châtiés par Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, le mensonge, il est maudit par Allah Azza wa Jal. Ala la'natullahi ala al-kadibin. Wa kadhalika da'iyatu kibri fil faqir. Donc, un pauvre, déjà il est faible, il est orgueilleux. On peut voir ça chez une personne riche. C'est chez un roi. Il peut avoir l'orgueil parce qu'il a une puissance. Qu'est-ce qu'il vient faire, ce pauvre, dans cette histoire? Il est pauvre, il est orgueilleux. Et par Allah Azza wa Jal, il y a tellement de personnes qui sont orgueilleux. Parmi les faibles, parmi les pauvres, le jour où on va leur parler de la religion d'Allah, il faut se soumettre à Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'ils vont faire? ils ne vont pas accepter de toi. Quelle exagération de ta part! Ils vont t'insulter, ils vont t'accuser. Alors que eux, c'est des pauvres. Une personne qui n'a pas de travail, il va y aller chez un sorcier, il lui donne beaucoup d'argent. Alors qu'il est pauvre. Le jour où on va lui dire c'est interdit, c'est pas ça ce qu'ils nous ont appris nos parents. C'est une parole qui est connue chez les musulmans malheureusement. Moi, mes parents, ils n'étaient pas comme ça. Mes parents, ils ne nous ont pas dit que le fait d'aller vers les mausolées, c'est quelque chose de haram, d'interdit. Nos parents faisaient ça. Et vos parents, est-ce qu'ils étaient bien guidés? Est-ce qu'ils étaient orientés? Est-ce qu'ils étaient guidés par Allah Azza wa Jal? Non, regardez, le prophète alayhi salatu wa salam, son oncle c'était qui? Abu Lahab. Son oncle c'était Abu Talib. ثم من بين الأمور التي يتوجب على المسلم أن يتوقاها من باب قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الحسد. والحسد لغة مصدره حسده يحسده ويحسده حسدا وحسودا وحسادة وحسده تمنى أن تتحول إليه نعمته وفضيلته بأن يسلبها الله عز وجل منها. قال الجرجاني رحمه الله الحسد تمني زوال النعمة على الغير. L'envie, la jalousie. C'est parmi les choses qu'on devrait éviter. C'est parmi les choses où ce verset coranique il est venu pour nous rappeler. Et craignez le jour où vous serez ramené vers Allah Azza wa Jal. La jalousie. La jalousie, elle est très simple. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire la jalousie? C'est le fait d'espérer la disparition de tel bien chez telle personne. Donc Allah Azza wa Jal ne veut pas que ses croyants et ses serviteurs se trouvent dans cette porte. On devrait s'éloigner de ce grand péché qu'Allah nos préserve. Et de là, Allah Azza wa Jal a révélé une sourate connue. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. قال الرازي كما أن الشيطان هو النهاية في الأشخاص المذمومة ولهذا السبب ختم الله مجامع الشرور الإنسانية بالحسد وهو قوله ومن شر حاسد إذا حسد كما ختم مجاميع الخبائث الشيطانية بالوسوسة. وقال الحسين بن الفضل إن الله جمع الشرور في هذه الآية وختمها بالحسد ليعلم أنه أخس قبائع. La jalousie. La jalousie, elle est interdite dans l'islam. La jalousie, te ramener vers une porte qui est dangereuse. Limite l'association. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal a donné à telle personne. Et toi, tu ne veux pas que Allah Azza wa Jal donne à cette personne. C'est comme si tu es en train de te mettre égal à Allah Azza wa Jal. Ce qu'Allah Azza wa Jal donne, Alhamdulillah. Qu'Allah lui donne plus. Et qu'Allah lui fasse la baraka. Et de là aussi, il n'y a pas que la jalousie dans le matériel seulement. Il y a la jalousie aussi dans la croyance. Les gens de livre, ils nous ont envie. Ils étaient jaloux de notre foi et de notre... Comment Allah Azza wa Jal a choisi cette umma. Al-umma tul akhirah tul awwala. Le jour du jugement. Cette nation, elle est venue la dernière, mais elle est la première le jour du jugement. Ils nous ont envie par rapport à ça. والحسد كذلك يقع كذلك حتى بين طلبة العلم ويقع حتى بين بعض العلماء ويقع كذلك حتى بين الدعاة وهذا أمر يجب أن يستنكر لأن الداعي إلى الله عز وجل لا يجب عليه أن لا يتصف بهذه الصفة. وما أكثر صغار الشباب في هذا الزمن الذين استعلوا ممكن المنابر وكراسي الدعوة من أجل أن يسقط علماء جبال جهابلة، والله المستعان. هذا إن دل يدل على أمور عدة، من بينها الحسد والغيرة المذمومة والعياذ بالله. La jalousie aussi, elle se trouve, même des fois entre les savants. Elle se trouve aussi chez les prédicateurs et les étudiants. Et de là, la personne qui propage le bien, il monte sur une minbar et s'assoit sur une chaise pour propager le bien, prêcher le bien. Il ne doit pas avoir cet attribut mauvaise où Allah Azza wa Jalla déteste. Parce que malheureusement, on peut voir quelques personnes jeunes, très jeunes, ils pensent qu'ils ont atteint un degré de science, un degré de foi, mais en réalité, ils sont en train de vivre dans un mirage. Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, cette immense montagne de science, on l'appelle Cheikh l'Islam. Une fois, il était avec son étudiant, Ibn Qayyim rahimahullah, à côté d'une rivière, un oiseau, il vient, il prend une goutte d'eau. Il lui dit, t'as vu qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit oui. Qu'est-ce qu'il a pris? Il lui a dit, il a pris une goutte d'eau. Il a dit, toute cette rivière, c'est la science, moi j'ai que ça. Sachez que l'Islam nous t'aimait rahimahullah. Alors on peut voir, Ahdath al-Asnan, des jeunes, très jeunes dans cette époque, malheureusement, ils devancent les savants, ils devancent aussi les prédicateurs aux autres. Alors que les savants, leur vie c'était le silence. Car le silence et le fait de se taire, c'est une adoration. Amin hadal munbalik kadalik. Inna al-Qur'an al-Karim wa'adana mawa'idh kathira. Min bayn hadhihi al-mawa'idh حفظ دماء الناس من المؤمنين وغير المؤمنين وغير المؤمنين هذا حق علينا كمسلمين وكمؤمنين أن نحفظ دماءهم ولكن الخوارج والدواعش عليهم من الله ما يستحقون أحداث أسنان يعتقدون أنهم وصلوا إلى القمة في العلم والعلوم ولكن في حقيقة الأمر وصلوا إلى الحقارة والدناءة ووصلوا إلى شيء ليس بجديد بل هو قديم ومعروف عندنا في جميع الأمصار من القدم والتاريخ والتأريخ يشهد على هذا أحداث أسنان قتلوا الصحابة ومثلوا بأجسامهم ومثلوا كذلك بأجسام المؤمنين والمؤمنات وهم في هذا الزمن كذلك أيها الناس يفعلون ما يفعلون باسم الإسلام والإسلام منهم براء يعتقدون أنهم علماء وفي حقيقة الأمر هم أجهل من الجهال ونصبوا أنفسهم مؤمنين وما هم بمؤمنين الإيمان الحق نصبوا أنفسهم على أنهم يمثلون الإسلام فأصبحوا يفجرون ويدمرون ويحرقون الناس أحياء ويتهجمون على الأبرياء كما حصل البارحة في هذه الدولة دولة فرنسا شاب صعلوك خرج كما خرج أشياعه من قبل وأتباعه من قبل شباب في غالب الأمر لا يعرفون الدين ولا يفقهون من الدين شيئا هؤلاء الناس في حقيقة الأمر قنطوا من هذه الدنيا فاستحيوا أن يقتلوا أنفسهم وقتل النفس في الإسلام حرام فأصبحوا يلتجئون إلى هذه الأمور باسم الإسلام وهو لعله عنده مشكل مع أبيه أو أمه أو حتى صاحبته يخرج من المخمرة من أجل أن يقتل الناس في المخمرة أين عقول هؤلاء الناس وعلى هذا فإن الإسلام بريء من هؤلاء الناس ونحن نتبرأ وهذه هي وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة وهذا ليس فيه أي مدارات وأي مداهنة الحق يعلى ولا يعلى عليه هؤلاء صعاليك يتحدثون باسم الإسلام والإسلام منهم براء ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من مثل هؤلاء الناس بل يتوجب علينا نحن كمسلمين أن نحفظ دماء الأمة الفرنسية هنا في فرنسا ونحن نعيش في هذا المجتمع هذا واجب علينا ديني وموجود في الكتاب كما هو موجود في السنة ويقبله وتقبله جميع العقليات فالعقل يقبل بهذا أبدا يسوغ العقل لك أن تذهب وتقتل الأبرياء هذا لم يوجد ولن يوجد في الإسلام أبدا وقد تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء بل سماهم كلاب النار هم في النار يمرقون من الدين ولا يعودون فيه عياذا بالله Parmi ces jeunes, qu'on est en train de voir ces derniers temps. Et d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis l'existence de Khawarij, généralement, c'est des jeunes. Ils n'ont pas atteint 30 ans. Rarement, tu trouves une personne qui a atteint, qui a 50 ans, il est en train de les suivre. Rarement. Je vous parle dans le passé. Même ici, généralement, la majorité de ces personnes, c'est des jeunes. Ils vont se prendre pour qui ? Pour des grands savants, alors que ils sont pires que les ignorants. C'est l'ignorance aggravée. Parce que lui, l'ignorant aggravé, c'est quoi ? Il est ignorant, mais il ne sait pas que c'est un ignorant. Il propage l'islam avec son ignorance. Donc c'est l'ignorance aggravée, al-jahlu, al-murakkab. Ces personnes, ils se sont pris pour qui ? Ils se sont pris pour des personnes qui sont en train de parler de l'islam. Est-ce que l'islam a autorisé de tuer les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que l'islam a ordonné ou a autorisé de tuer, de prendre les âmes des femmes, des enfants ou de brûler des musulmans vivants comme on pouvait le voir dans le passé proche seulement? Regardez qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ces personnes égarées semer les troubles, déstabiliser les sociétés au nom de l'islam, c'est des gens désespérés. Il a un problème avec ses parents, peut-être avec sa copine. Il veut se suicider, mais il a honte. Il va se dire, moi je ne vais pas faire ça, ou n'a pas le courage de faire ça. Et subhanallah, les khawarij de l'époque, ils étaient plus courageux que ces personnes lâches. Ils viennent pour faire quoi? C'est un problème avec une personne qui a des armes. Va le voir en face de toi. Pourquoi tu viens à des gens innocents les prendre en otage quand hier il va leur prendre leur âme égareur. C'est les chiens de l'enfer. C'est ça ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wa sallam. Et ça c'est une certitude. Et on n'est pas en train de maquiller la vérité. Ça c'est la vérité. Elle se trouve dans le Coran Karim et dans la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Et chaque raison, elle accepte ces paroles. Parce qu'on est en train de parler au nom de la révélation, on ne parle pas au nom de nos avis, ni au nom de nos patients. Et c'est pour ça que la salafie, elle se désavoue de ces personnes, et de leur idéologie, et de leurs actes. Et c'est pour ça, oh vous les croyants qui vous êtes présents ici ou non, oh vous les personnes que vous êtes en train d'écouter, il faut avoir la motivation pour faire barrage à ces personnes. Comment ? Avec la science. Avec la science. Motivez vos enfants à apprendre leur religion. Enseignez vos enfants la religion. Et vous allez voir que, bi'idhnillahi ta'ala, grâce à Allah Azza wa Jal, toute société où musulmans vit, elle sera stable grâce à Allah Azza wa Jal. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا وأمرنا في حديث صحيح نرويه بسند صحيح لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا فالحسد في الإسلام حرام منقود la yardahu Allah azza wa jal. Ne vous allongez pas. C'est ça ce qu'il nous a ordonné de faire le prophète alayhi salatu wa salam. Ni avoir de la rancune ou la haine envers les musulmans. L'islam est l'école du prophète alayhi salatu wa salam, ainsi les musulmans et les gens d'avoir un bon comportement. من الأمور التي يتقي الله عز وجل بها المؤمن يوم يقوم الأشهاد يوم تعرضون على الله عز وجل يوم ويوم نعرض على الله عز وجل الخبث. الخبث في ديننا حرام. أصل هذه المادة يدل على خلاف الطيب. يقال خبيث أي ليس بطيب. Le mauvais. Une personne mauvaise. Une personne qui propage les choses mauvaises. Une personne mauvaise, il est égal à Shaytan, car Shaytan est khabith. Shaytan est mauvais. Et de là, le croyant ne devrait pas avoir ce mauvais comportement. Allah Azza wa Jal dit: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah Azza wa Jal dit dans le sens de ce verset coranique à ce propos: le mauvais et le bon sont pas semblables. Donc un mauvais, c'est un mauvais. Une personne bonne, c'est une personne bonne. Qala Tabari, يقول تعالى ذكره للنبي عليه الصلاة والسلام: قل يا محمد لا يعتدل الرديء والجيد والصالح والطالح والمطيع والعاصي والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. يقول: لا يعتدل العاصي والمطيع لله عند الله ولو كثر أهل المعاصي فعجبت من كثرتهم لأن أهل طاعة الله هم المفلحون الفائزون بثواب الله يوم القيامة وإن قلوا دون أهل معصية وإن أهل معاصيه هم الأخسرون الخائبون وإن كثروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. إنما العبرة ليس بالكثرة. العبرة ليس بالكثرة، بالعكس العبرة بالقلة. لأنه يوم القيامة يؤتى النبي ومعه الرهبان نبي آخر، ويأتي النبي وليس معه أحد. هذا لا يعني أنه لم يكن على الحق. فالعبرة هنا ليس بالكثرة. هذا النبي دعا أمته ولم يستجب له أحد، هل يقال له يوم القيامة إنك على خطأ؟ لا، بالعكس، بل كان على الحق. ولذلك أهل الحق قلة. وإذا لاحظتم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ولا زالوا قلة. لماذا؟ وإن كثرت هذه الأمة، ولكن ليس كل من يتبع النبي عليه الصلاة والسلام هم أهل الحق، هم أهل النجاة. بالعكس، في دين الله عز وجل بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لنا حال الخوارج، حال الروافض، الصوفية، الأشاعرة في هذا الزمن، الإخوان في هذا الزمن ليسوا من أهل السنة والجماعة. وإن كفروا وإن قل أهل الحق فليتبع المؤمن الحق ولا يهمنك كثرة الناس. فقد تجد هذا الضال المضل يتبعه الملايين من الناس، وتجد عالم كبير جليل لا يستمع إليه كثير من الناس كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أو إذا رأيت إلى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. بين هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء عندهم أتباع كثر وهؤلاء عندهم أتباع قلة، ولكن الحق معهم. Donc ici, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Donc il y a la différence entre une chose bonne, une chose mauvaise. Une personne pieuse, une personne non pieuse. Une personne qui adore Allah Azza wa Jal, une personne qui commet des péchés. Et une personne aussi. Et quand vous allez les voir, il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas les regarder. Eux, ils sont nombreux, plus que nous. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, quand il a commencé sa risala, on lui a dit: c'est qui était avec toi en premier lieu? Il a dit: un homme libre, un esclave. Il voulait dire Abu Bakr, et aussi Bilal, radiallahu ta'ala, anhumah. Et Hérakl, il y en a plus quand il a posé la question à Abu Sufyan: هل أتباعه كثير أم قلة؟ قال قليل. هم ضعفاء القوم أم أغنياء القوم؟ قال ضعفاء القوم. Quand tu lui as posé la question à Abu Sufyan, il a dit: c'est qui ces suiveurs? Est-ce que les riches ou les pauvres? Il a dit les pauvres. Est-ce qu'ils sont nombreux ou peu? Il a dit peu. Il a dit ça, c'est les suiveurs des prophètes. Et ça, c'est les suiveurs des prophètes. Et le jour de la résurrection, on peut trouver, le prophète a dit, le jour de la résurrection, un prophète, il va venir avec trois personnes seulement qui l'ont suivi. Un autre, deux personnes, une personne, un prophète, personne vient avec lui. Ça veut dire que la vérité n'était pas avec lui. Ça veut dire que les personnes qui l'ont désobéi, qu'ils étaient nombreux plus que lui, ils avaient raison. Non. Mais généralement, c'est ça la vérité. Peu de monde suit la vérité. Et des fois, tu peux trouver des gens égarés. Des millions et des millions de personnes qui sont en train de le suivre. Une personne qui est dans la droiture et dans l'art, peu de monde qui le suit. Pourquoi? Parce qu'il est en train de propager aux gens de ne pas se soumettre à vos passions. Et eux, ils veulent suivre les personnes qui sont compatibles avec leurs passions. Vous pouvez la faire la différence. Cheikh Mbaz, rahimahullah, Al-Albani, votre savant. Regardez combien de personnes vont écouter Cheikh Al-Albani. Peu de monde. Cheikh Mbaz, rahimahullah, peu de monde. La majorité de personnes, des musulmans qui se trouvent sur terre là-dedans, peut-être ils connaissent même pas le nom de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, et Cheikh Mbaz et d'autres savants. Donc, l'ibra. Le rappel ici, ce n'est pas par rapport au nombre. Non. Même s'il y a peu de personnes qui disent l'haq, et l'haq est avec eux, il faut suivre ces personnes. Ce n'est pas par rapport à leur propre personne, non. Donc nous, on s'attache aux gens. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Les savants, leur prêche, leur serment, c'est le fait d'attacher les cœurs des serviteurs d'Allah au livre d'Allah et la sunna du prophète. Ce n'est pas à ma propre personne. Ce n'est pas un tel savant, ce n'est pas un telle personne ou telle personne, non. Parce que lui, il a la vérité avec lui, il n'y a aucun problème, je suis avec lui. Il est mon allié et je suis son allié. Là, oui, nous on suit, on prend les personnes en tant qu'alliés parce que l'haq, la vérité, elle est avec eux. Sinon, le jour où la vérité elle n'est pas avec cette personne, on est les premières personnes qui vont se désavouer de ces personnes. Hein? هذا الخبث والخيانة كذلك يجب على المسلم أن يتجنبها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. Ici, et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Donc, ne sois pas avec ces personnes qui sont en face d'Allah Azza wa Jal, pieds nus, tout nus, alors que c'est des traîtres. La trahison dans l'islam, elle est interdite. Al aslu hadhihi al khiyana naqid al amana. C'est le contraire de la amana. D'accord? D'une personne, d'une chose digne de confiance. Min khanahu khawnan wa khiyanatan wa makhanatan wa khanahu fa huwa qa'ilun wa qa'inatun wa khawnun wa khawwanun wa jam'u khanahu wa khawanatan wa khawwan wa yuqalu خنت فلان وخنت أمانة فلان. قال الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خبوان كفور. قال ابن كثير وقوله إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خبوان كفور أي لا يحب من عباده من اتصف بهذا وهو الخيانة في العهود والمواثيق لا يأتي بما قال ويكفر ويجحد لنعم الله عز وجل. والكفر هنا يعني الجحد لنعم الله عز وجل فلا يعترف بها. الله prend la défense de ceux qui croient. Regardez la bonne nouvelle ici. Ne cherchez pas, cher serviteur d'Allah عز وجل, que telle personne va te défendre. Allah عز وجل défend les croyants. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يدافع عن شخصك, عن عرضك. يدافع عنك إذا جاءك عدو مبين من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. فالله عز وجل يدافع عنك. Donc ici, regardez la bonne nouvelle. Allah prend la défense de ceux qui croient. Regardez la bonne nouvelle. Donc Allah عز وجل te protège. Il prend ta défense. Donc le jour où une personne a atteint ton honneur, a atteint ta propre personne, comme c'était le cas avec notre bien-aimé Muhammad, alayhi salatu wa salam, et les compagnons et les croyants. Donc sache très bien qu'Allah Azza wa Jal va prendre ta défense. Et quand Allah Azza wa Jal va prendre ta défense, est-ce qu'il a un égal? Non, il n'a pas d'égal. Il n'a pas d'égal. Allah Azza wa Jalla prend ta défense contre qui? Contre Shayatin de chez les hommes et Shayatin de chez les djinns. Allah n'aime pas, Allah n'aime aucun traître ingrat. La trahison. Allah Azza wa Jalla déteste toute personne qui est traître et ingrat. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما لبخوفات عليه الصلاة والسلام أدي كتشوز في une personne s'il va les avoir il va voir ces quatre choses en lui c'est un hypocrite sincère c'est un hypocrite clair. C'est un hypocrite qui est clair. قال ومن كان فيه خسرة منهن كان فيه خسرة من النفاق حتى يدعى. Même c'est une chose seulement de ces quatre choses. Ils sont en toi. Sache très bien que tu as l'un des attributs des hypocrites qu'Allah nous préserve. Il est tout minakan. On lui donne un dépôt, il va trahir. Il va le voler. Il va renier. Il va dire qu'il n'a rien, qu'il m'a rien donné. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ. Et quand il parle, il ment. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ. Et quand il va promettre, il va te trahir. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. Et le jour où il va commencer à rentrer dans un conflit ou se bagarrer, il commence à faire quoi? À insulter. Donc ces quatre choses, sachez très bien si une personne a ces quatre choses en lui, il doit savoir une chose. Que c'est un hypocrite clair. C'est ce qu'il a dit le prophète alayhi sallam. Munafiq khalis. Mais malheureusement, on peut trouver généralement chez les croyants, tous les croyants, au moins une. Au moins une. Et des fois, volontairement il le fait, et des fois sans le savoir par ignorance. Titre exemple. Une personne qui va te dire j'arrive. Ça veut dire, il t'a donné une promesse, n'est-ce pas? S'il va te dire j'arrive en 2 secondes, il t'a donné une promesse, et tu sais très bien que il ne pourra jamais venir dans 2 secondes. Et c'est pour ça, moi, je fais toujours des rappels à moi-même et à mes frères et à mes soeurs et aux croyants de ne jamais donner cette promesse. 2 secondes, attends-moi 2 secondes. Efface ça de ta mémoire. Efface ça de ta mémoire. Tu ne pourras pas. Hein? Tu ne pourras pas faire quoi? Ta promesse. N'est-ce pas? Donc ça c'est un mensonge. Et en même temps quoi? C'est une promesse que tu ne pourras pas faire la faire. D'accord? Et c'est pour ça, le croyant doit s'éduquer. Même ça c'est rien, c'est minime. Mais de là, tu connais la valeur. Et de là, tu connais la valeur des hommes et des croyants aussi. Donc il faut faire attention. « Ala shaykhuna shaykhuna shaykhuna shaykhuna shaykhuna shaykhuna shaykhuna » وأنا أحب أن أختم بمقالة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال إذا أؤتمن خان إذا أؤتمنه إنسان على شيء خانه. Donc une personne t'a donné un dépôt et puis tu l'as fait quoi? Tu n'as pas donné ta parole, tu l'as volé ou d'autres choses. Donc c'est ça ce qu'on appelle la trahison dans l'islam. Ici mon cher serviteur d'Allah Azza wa Jal, il n'y a pas que ces caractères seulement, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on va commencer à parler, comme par exemple, Al-Kadir, le mensonge, Al-Dhulm, l'injustice, Al-Udwan, Al-Makr, Al-Makida, Al-Rish, Al-Ujb, Al-Namima, Al-Ghiba, Su'ud-Dhulm, wa kathirun, kathirun min hadhihi al-umur, allati la yattaji, allati yatawajjabu ala al-mu'mini, an la takuna fihi. يوم أن يلقى الله عز وجل يقول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا هو الشطر الثاني وللحديث بقية إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبارك الله لي ولكم في القرآن الكريم. وأشكر الإخوة الحاضرين وكذلك من كان سببا في هذه الجلسة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيها وأن يتقبل منا ما ذكرناه في هذا المجلس وأن ينفعنا أولا أنا وأن ينفع الجميع كذلك بهذه الكلمات. فإن كان